Écoutez maintenant les crépitants de début d'inspiration. Ils sont peu nombreux et localisés au début de l'inspiration. Ils sont caractéristiques d'une obstruction bronchique sévère. Écoutez encore ces crépitants de début d'inspiration.